s'en aller là-bas. Depuis que t'es parti, homie, j'ai fait le tri autour de moi. Et toi j'ai tellement la haine que tu ne sois plus là. Je regarde des photos et je rigole tout seul dans le cœur, j'ai le goût des larmes. A jamais, à jamais, à jamais mon négro, à jamais mon frérot. Parti trop tôt, bien trop tôt. Éternellement gravé dans mes souvenirs, je me dis souvent que t'es sûrement mieux là-bas. Il me reste plein de grandes choses à accomplir. Dès que on va se revoir, on va se revoir. Miss you more and more, more and more. Miss you more and more, more and more. Miss you more and more, more and more. Et le temps passe, j'aimerais tellement te faire revenir. On me dit que c'est la vie, mais je m'en fous de leur histoire. Solidaire à la guerre, présent dans tous mes fous rires. Je t'écris ce soir. Et ouais, poteau, j'ai bien grandi. Je traîne plus dans la rue, tu sais. Tu m'avais bien dit qu'un jour je serais entendu au-delà des portes du lycée. J'espère que t'es fier de ton négro. Ta maman partage souvent mes nouveautés. Je la vois pas trop souvent, mais t'inquiète, une fois au pays, j'irai l'embrasser. J'ai vu ton fils, putain, il te ressemble. Tu veux en lui, ça se ressent. Il est si innocent, c'est toi 100%, mais en plus mignon. J'en rigole, mais qu'est-ce que ça me fait chier. Éternellement gravé dans mes souvenirs, je me dis souvent que t'es sûrement mieux là-bas. Il me reste plein de grandes choses à accomplir. Dès que ton va se revoir. Miss you more and more, more and more. Miss you more and more, more and more. Miss you more and more, more and more. Miss you more and more, more and more. J'aimerais tellement te faire revenir. On dit que c'est la vie, mais je m'en fous de leur histoire. Solidaire à la guerre, présent dans tous mes fous rires. Je t'écris ce soir. Et on pense à toi. À jamais mon frérot, sûrement ne t'inquiète pas, on ne change pas. Et à chaque fois, je la prouve pour toi. Yeah, nigga, on pense à toi. A jamais mon frérot, sûr, je ne t'oublie pas, on ne change pas. On évolue, c'est sûr, mais la famille ne bouge pas. On pense à toi. A jamais mon frérot, sûr, ne t'inquiète pas, on ne change pas. Et à chaque fois, je la prouve pour toi. Yeah, nigga, on pense à toi. A jamais mon frérot, sûr, je ne t'oublie pas, on ne change pas. On évolue, c'est sûr, mais la famille ne bouge pas. On pense à toi. A jamais mon frérot, sûr, ne t'inquiète pas, on ne change pas. Love you better.